Monsieur et Madame Hutte au fond du bus ont une fille, comment s'appelle-t-elle? Sacha. Oui, Sacha Hutte au fond du bus, voilà. Bon, ça c'était pour introduire notre vraie dernière chanson. La vraie de vraie, après vous pouvez partir. Et avant de partir, buvez une bière ici. Pas cher la pub. Merci. Merci à tout le monde, merci à vous. Le crapaud, merci au crapaud.